Section 14 de Le dossier 113 par Émile Gaborio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 14. Immobile sur la berge, plus froide et plus blanche qu'une statue, Valentine regardait s'enfuir cette frêle embarcation qui emportait celui qu'elle aimait. Elle glissait au gré du courant, rapide comme l'oiseau qu'entraîne la tempête, et, après quelques secondes, elle n'était plus qu'un point noir à peine visible au milieu du brouillard qui se balançait au-dessus du fleuve. Gaston parti, sauvé, Valentine pouvait, sans crainte, laisser éclater son désespoir. Il lui était inutile désormais de comprimer les sanglots qui l'étouffaient. À sa noble vaillance de tout à l'heure, un affaissement mortel succédait. Elle se sentait anéantie, brisée, comme si quelque chose en elle se fût déchiré, comme si cette barque, maintenant disparue, eût emporté la meilleure part d'elle-même, l'âme et la pensée. C'est que pendant que Gaston gardait au fond du cœur un rayon d'espérance, elle ne conservait, elle, aucun espoir. Écrasée par les faits, elle reconnaissait que tout était fini, et, en interrogeant l'avenir, elle était prise de frissons et de terreurs. Il lui fallait rentrer, cependant. Lentement, elle regagna le château, passant par cette petite porte qui, tant de fois, s'était ouverte mystérieusement pour Gaston, et, en la refermant, il lui semblait qu'entre elle et le bonheur, elle poussait une barrière infranchissable. Avant de remonter chez elle, Valentine eut le soin de faire le tour du château pour aller regarder les fenêtres de la chambre de sa mère. Ces fenêtres étaient éclairées, comme d'habitude, à 7 heures, car Madame de la Verberie passait une partie des nuits à lire et ne se levait que très avant dans la matinée. Réfugiée dans l'engourdissement du bien-être matériel, peu coûteux à la campagne, l'égoïste comtesse ne s'inquiétait aucunement de sa fille. Ne voyant nul danger pour elle, dans leur isolement, elle lui laissait une liberté absolue, et, jour et nuit pour ainsi dire, Valentine pouvait aller et venir, se promener, sans que sa mère songeât à en prendre ombrage. Mais Valentine, cette nuit, redoutait d'être vue. On lui demandait d'où venait l'affreux désordre de sa toilette, et comment expliquer pourquoi sa robe était toute mouillée et tachée de boue. Heureusement, elle put, sans encombre, gagner sa chambre et s'y enfermer. Elle avait soif de solitude, elle voulait réfléchir. Elle sentait la nécessité de s'affermir contre les coups terribles qui allaient la frapper. Assise devant sa petite table de travail, elle avait retiré de sa poche la bourse qui lui avait été donnée par Gaston. Et machinalement, elle examinait les bijoux qu'elle contenait. Certes, il lui était doux de passer à son doigt une de ses bagues, la plus petite, la plus simple. Mais le pouvait-elle? Sa mère ne lui demanderait-elle pas d'où elle venait? Faudrait-il donc mentir encore? Une dernière fois, elle embrassa cette bourse, souvenir de l'absent, et c'est au fond d'un des tiroirs de sa commode qu'elle cacha le précieux dépôt. Elle songeait alors qu'il lui fallait se rendre à Clameran pour rassurer le vieux marquis et lui annoncer que son fils vivait encore, miraculeusement sauvé. Lorsqu'il avait demandé ce service suprême à son ami, Gaston, aveuglé par la passion, n'avait pas réfléchi aux obstacles qu'elle rencontrerait, aux périls qu'il lui faudrait braver. Valentine ne les voyait et ne les comprenait que trop, mais elle avait juré. L'idée ne lui vint même pas de manquer à sa promesse, ou de chercher un biais pour ne pas la tenter entièrement. Le jour venait, elle s'habilla. Peu après, lorsque sonna l'Angélus matinal à l'église du village, elle se dit qu'il était temps de se mettre en route et descendit. Déjà depuis longtemps, les servantes du château étaient levées. L'une d'elles, du nom de Millonne, attachée particulièrement au service de Valentine, était occupée à passer au sable les dalles du vestibule. « Si ma mère me demande, lui dit la jeune fille, tu lui répondras que je suis allée entendre la première messe. » Souvent, elle se rendait à l'église à 7 heures. Elle n'avait donc rien à redouter de ce côté. Millonne ne fit aucune observation. La grande difficulté pour Valentine était d'être de retour à l'heure du déjeuner. Elle devait faire plus d'une lieue avant de trouver un pont, et autant pour se rendre de ce pont à Clameran. En tout, plus de 5 lieues. Aussi, en sortant de la verberie, se mit-elle à marcher aussi vite que possible. La conscience d'accomplir une action extraordinaire, l'inquiétude, la fièvre du péril bravé lui donnait des ailes. Elle oubliait la lassitude. Elle ne s'apercevait plus qu'elle avait passé la nuit à pleurer. Pourtant, malgré ses efforts, il était plus de 8 heures quand elle arriva à la longue allée d'Azérolier, qui, de la route, conduit à la grande grille du château de Clameran. Elle allait s'y engager quand, devant elle, à quelques pas, elle aperçut Saint-Jean, le valet de chambre du marquis qu'elle connaissait bien. Elle s'arrêta pour l'attendre, et lui, l'ayant vu, hâta le pas. Sa physionomie était bouleversée, ses yeux étaient rouges, on voyait qu'il avait pleuré. À la grande surprise de Valentine, il n'ôta pas sa casquette en arrivant près d'elle. Et c'est du ton le plus grossier qu'il lui demanda. Vous allez au château, mademoiselle ? Oui, si c'est pour monsieur Gaston, répondit le domestique, soulignant son odieuse méchanceté. Vous avez pris une peine inutile. Monsieur le comte est mort, mademoiselle, pour une maîtresse qu'il avait. Valentine pâlit sous l'insulte, mais ne la releva pas. Quant à Saint-Jean, qui pensait l'atterrer, il fut stupéfait de son sang-froid et indigné. « Je viens au château, reprit la jeune fille, pour parler à monsieur le marquis. » Saint-Jean eut comme un sanglot. « Alors, fit-il, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Pourquoi ? Parce que le marquis de Clamoran est mort ce matin, à 5 heures, mademoiselle. » Pour ne pas tomber, Valentine fut obligée de s'appuyer à l'arbre, près duquel elle était debout. « Mort ? Balbutia-t-elle. « Oui, répondit Saint-Jean avec des regards terribles. « Oui, mort !» Véritable serviteur de l'ancien régime, Saint-Jean avait toutes les passions de ses maîtres, leur faiblesse, leur amitié, leur haine. Il avait la verberie en horreur. Et pour comble, il voyait en Valentine la femme qui avait causé la mort du marquis, qu'il servait depuis 40 ans, et de Gaston, qu'il adorait. « Donc, reprit-il, s'efforçant de faire de chaque mot un coup de poignard, c'est hier soir que monsieur le comte a péri. Quand on est venu annoncer au marquis que son fils aîné n'était plus, lui, robuste comme un chêne, il a été foudroyé. J'étais là, il a battu l'air de ses mains et est tombé à la renverse, sans un cri. Nous l'avons porté sur son lit, pendant que monsieur Louis montait à cheval pour aller quérir un médecin à Tarascon. Mais le coup était porté. Quand monsieur Rajah est arrivé, il n'y avait plus rien à faire. Cependant, au petit jour, monsieur le marquis a repris connaissance et il a demandé à rester seul avec monsieur Louis. Peu après, il est entré en agonie. Ses derniers mots ont été « Le père et le fils le même jour, on peut se réjouir à la verberie. » D'un mot, Valentine pouvait calmer la douleur immense du fidèle domestique. Elle n'avait qu'à lui dire que Gaston vivait. Elle eut le temps de redouter une indiscrétion qui pouvait être fatale. « Eh bien, reprit-elle, il faut que je parle à monsieur Louis. » Cette déclaration parut transporter Saint-Jean. « Vous ! » s'écria-t-il. « Vous ! Ah, vous ! N'y songez pas, mademoiselle de la verberie. Quoi ? Après ce qui s'est passé, vous oseriez vous présenter devant lui ? Je ne le souffrirai pas, m'entendez-vous ? Et même, tenez, si j'ai un conseil à vous donner, rentrez chez vous. Je ne répondrai pas de la langue des domestiques, s'il vous voyait. » Et sans attendre une réponse, il s'éloigna à grands pas. Que pouvait faire Valentine ? Accablée, humiliée, elle reprit, se traînant à grand-peine, le chemin si rapidement parcouru le matin. À 7 heures, beaucoup de cultivateurs revenaient de la ville. Ils avaient appris les événements de la veille. Et partout sur son passage, l'infortunée jeune fille recueillait des saluts ironiques et les regards les plus insultants. Arrivée près de la verberie, Valentine trouva Mionne qui la guettait. « Ah, mademoiselle !» lui dit cette fille. « Arrivez bien vite. Madame a reçu une visite ce matin, et depuis, elle vous demande à grands cris. Venez, mais prenez garde à vous. Madame est dans un état effrayant. » On parle beaucoup, et souvent, des mœurs patriarcales de nos ancêtres. Il se peut qu'en effet, il y ait eu des mœurs patriarcales autrefois, il y a longtemps. Ce qui est sûr, c'est que nos aïeules, bien autrement que nos femmes, Dieu merci, avaient l'esprit prompt, la main leste et la parole libre, ne reculant ni pour un geste vif, ni pour le mot propre. Madame de la Verberie avait gardé ses façons du bon temps, où les plus grandes dames juraient ni plus ni moins qu'un charretier embourbé. C'est dire que dès que Valentine parut en sa présence, elle l'accabla des injures les plus violentes et les plus grossières. La comtesse avait été informée des scènes de la veille, grossie et arrangée au gré de l'aménimité publique par une vieille guerrière, son intime, laquelle s'était habillée de grand matin, tout exprès pour venir, avec force condoléances, lui servir ce plat empoisonné. En cette affaire affreuse, Madame de la Verberie avait vu beaucoup moins la perte de la réputation de sa fille que la ruine de ses projets à elle, projets de mariage, d'ambition, de fortune. Une jeune fille, si cruellement compromise, ne devait pas trouver aisément un mari. Il devenait indispensable, avant de la présenter dans le monde, de laisser passer au moins 2 années sur cette aventure. « Malheureuse !» s'écriait avec une énergie furieuse la comtesse, plus rouge qu'une pivoine. « C'est donc ainsi que vous respectez les nobles traditions de notre maison ? Jamais on n'avait eu besoin encore de surveiller les laverberies. Elles savaient, seules, garder leur honneur. Il vous appartenait d'abuser de votre liberté pour descendre au rang de ces dévergondés qui sont la honte de leur sexe. » Cette scène affreuse, Valentine l'avait prévue. Elle l'avait attendue avec un horrible serrement de cœur. Elle la subissait comme l'explication juste, méritée, de coupables amours. S'avouant que l'indignation de sa mère était légitime, elle courbait la tête, comme l'accusé repentant devant ses juges. Mais ce silence était précisément ce qui pouvait le plus exaspérer la comtesse. Vous répondrez-vous ? Reprit-elle avec un geste menaçant. Que puis-je vous répondre, ma mère ? Vous pouvez me dire, malheureuse, que ceux-là en ont menti qui prétendent qu'une laverberie a failli. Allons, défendez-vous, parlez ! Sans répondre, Valentine hocha tristement la tête. « C'est donc vrai !» s'écria la comtesse hors d'elle-même. « C'est donc vrai !»« Pardon, ma mère !» balbutia la jeune fille. « Pardon !»« Comment, pardon ? On ne m'a donc pas trompé ? Pardon ! C'est-à-dire que vous avouez, impudente ! Jour de Dieu ! Quel sang coule donc dans vos veines ! Vous ignorez donc qu'il est de ces fautes qu'on nie, même quand l'évidence éclate ! Et vous êtes ma fille ? Vous ne sentez donc pas qu'il est de ces aveux ignominieux que nulle puissance humaine ne doit pouvoir arracher à une femme ? Mais non ! Elle a des amants et elle l'avoue sans rougir. Faites-vous en gloire, ce sera plus nouveau. Ah, vous êtes sans pitié, ma mère. Avez-vous donc eu pitié de moi, ma fille ? Avez-vous songé que votre honte pouvait me tuer ? Ah, bien des fois, sans doute, avec votre amant, vous avez ri de mon aveugle confiance. C'est que j'avais foi en vous, comme en moi-même. C'est que je vous croyais chaste et pure comme au temps où je veillais près de votre berceau. Je croyais. Et cependant, les hommes, après boire dans les cabarets, prononce votre nom au milieu des risées, et ensuite se battent et se tuent pour vous. J'avais remis en vos mains l'honneur de notre maison. Qu'en avez-vous fait ? Vous l'avez livré au premier venu. C'en était trop. Ces mots, le premier venu, révoltèrent l'orgueil de Valentine. Elle ne méritait pas, non, elle ne pouvait mériter un pareil traitement. Elle essaya de protester. « Je me trompe, » reprit la comtesse. « Vous avez raison. Votre amant n'était même pas le premier venu. Entre tous, vous êtes allé choisir l'héritier de nos ennemis séculaires, Gaston de Clameran. C'est celui-là qu'il vous fallait entre tous. Un lâche qui allait publiquement se vanter de vos faveurs. Un misérable qui se vengeait de l'héroïsme de nos aïeux sur vous et sur moi, sur une femme et sur une enfant. Non, ma mère, non, cela est faux, il m'aimait. Et s'il eût pu espérer votre consentement ? Il vous eût épousé ? Ah, jamais ! Plutôt vous voir de chute en chute, rouler jusqu'au ruisseau, que vous savoir la femme d'un tel homme. » Ainsi, la haine de la comtesse s'exprimait précisément comme la colère du marquis de Clameran. « D'ailleurs, reprit-elle avec cette férocité dont une femme seule est capable, d'ailleurs, il est noyé, votre amant, et le vieux marquis est mort à ce qu'on assure. Dieu est juste, nous sommes vengés. » Les paroles de Saint-Jean, qu'on se réjouirait à la verberie, se représentèrent aussitôt à l'esprit de Valentine. Une joie odieuse éclatait dans les yeux de la comtesse. Ce fut, pour l'infortunée jeune fille, le coup de grâce. Depuis une demi-heure, elle faisait pour résister à ces atroces violences des efforts surhumains. Ses forces trahirent son énergique volonté. Elle devint plus pâle, s'il est possible, ferma les yeux, avança les bras comme pour chercher un point d'appui, et tomba, heurtant l'angle d'une console qui lui fut au front une blessure profonde. C'est d'un œil sec que la comtesse vit sa fille étendue à ses pieds. En elle, toutes les vanités saignaient. L'amour maternel n'avait pas tressailli. Elle était de ces âmes qu'emplissent si bien la colère et la haine que nul sentiment tendre n'y peut trouver place. Voyant que Valentine restait sans mouvement, elle sonna. Et les servantes du château, qui tremblaient dans le vestibule aux éclats de cette voix redoutée, accoururent. « Portez mademoiselle dans sa chambre !» leur dit-elle. « Vous l'y enfermerez et vous m'apporterez la clé. » La comtesse se proposait alors de tenir, pendant longtemps, Valentine prisonnière et de l'empêcher de sortir. C'est qu'elle avait de l'opinion une peur folle, c'est qu'elle savait la méchanceté, faut-il dire inconsciente et naïve, des campagnes, où le désœuvrement de l'esprit vit des mois entiers sur le même cancan. Jamais la campagne n'aura, pour certaines fautes, les ménagements, les délicatesses des villes. Là, malheur à la pauvre fille qui tombe. Il lui faut fuir ou vider jusqu'à la lie le calice des humiliations préméditées et des brutales ironies. On se fait honneur de lui jeter la pierre. Cependant, Madame de la Verberie raisonnait mal. Mieux vaut l'explosion terrible et rapide d'un scandale que les rumeurs sourdes et continues de la médisance. Mais tous les plans de la comtesse devaient être déconcertés. Bientôt, ses femmes revinrent lui dire que Valentine avait repris connaissance, mais qu'elle leur semblait bien mal. Elle commença par dire que c'était là des « simagrées ». Mais, Mionne insistant, elle se résigna à monter à la chambre de sa fille. Et là, elle dut se rendre à l'évidence. Valentine était en péril. Nulle appréhension ne parut sur son visage, mais elle envoya chercher à Tarascon le docteur Raget, qui était alors l'oracle du pays, le même qui, dans la nuit, avait été mandé à Clameran pour le marquis. Il était celui-là, de ces hommes dont le souvenir vit longtemps encore, après qu'ils ne sont plus. Noble cœur, vaste intelligence, il avait donné sa vie à son art. Riche il ne réclama jamais le prix d'une visite. Nuit et jour, on rencontrait par les chemins, attelé d'une jument grise, son vieux cabriolet, dont le coffre renfermait toujours pour les pauvres du bouillon et du vin. C'était alors un petit homme de plus de 50 ans, chauve, à l'œil vif, à la lèvre spirituelle, gai, causeur, bien que zézayant un peu, et facile et bon jusqu'à l'excès. Le commissionnaire avait eu le bonheur de le trouver, et il le ramenait. En apercevant Valentine, le docteur Raget fronça le sourcil. Doué d'une perspicacité profonde, aiguisé par la pratique, il étudiait alternativement Valentine et sa mère, jetant sur la vieille dame des regards si pénétrants que son assurance en était ébranlée, et qu'elle sentait le rouge monter à ses joues ridées. « Cet enfant est bien malade !» prononça-t-il enfin. Et comme Madame de la Verberie ne répondait pas, « Je désire, ajouta-t-il, rester quelques instants, seul avec elle. » Le docteur Raget, par sa réputation et par son caractère, imposait trop à la comtesse pour qu'elle osât résister. Elle sortit, non sans une répugnance visible, et alla attendre dans une pièce voisine, calme en apparence, en réalité remuant les plus sombres pensées. Ce n'est guère qu'au bout d'une demi-heure, un siècle, que le docteur reparut. Lui qui avait vu tant de misère, consolé tant de douleurs, il semblait très ému. « Eh bien ?» lui demanda la comtesse. « Vous êtes mère, madame, » répondit-il tristement. « C'est-à-dire que votre cœur a des trésors d'indulgence et de pardon, n'est-ce pas ? Armez-vous de courage. Mademoiselle Valentine est enceinte. »« La misérable ! Je l'avais deviné !» L'œil de la comtesse eut une si épouvantable expression que le docteur en fut frappé. Il posa sa main sur le bras de la vieille dame, et la fixant jusqu'à la faire frissonner, il ajouta, appuyant sur chaque mot, « Et il faut que l'enfant vienne à bien !» La pénétration du docteur n'était pas en défaut. En effet, une idée abominable avait traversé l'esprit de Madame de la Verberie. L'idée de supprimer cet enfant, qui serait le vivant témoignage de la faute de Valentine. Se sentant deviner, cette femme si dure et si hautaine baissa les yeux sous le regard obstiné du vieux médecin. « Je ne vous comprends pas, docteur » murmura-t-elle. « Mais je m'entends, moi, madame la comtesse. Je voulais dire simplement qu'un crime n'efface pas une faute. Docteur, je vous dis ce que je pense, madame. Si je me suis trompé, tant mieux pour vous. En ce moment, l'état de mademoiselle Valentine est grave, mais non pas inquiétant. Des émotions trop violentes ont ébranlé sa jeune organisation. Et elle est en proie à une fièvre violente que nous calmerons vite, je l'espère. » La comtesse comprenait si bien que des soupçons du vieux médecin n'étaient pas dissipés, qu'elle essaya de l'attendrissement. « Au moins, docteur, » fit-elle, « vous m'assurez qu'il n'y a aucun danger. »« Aucun, madame, » répondit M. Raget avec une fine pointe d'ironie. « Que votre tendresse maternelle se rassure. Ce qu'il faut avant tout à la pauvre enfant, c'est un repos d'esprit que seul vous pouvez lui donner. Quelques bonnes et douces paroles de vous feront plus et mieux que toutes mes prescriptions. Mais, sachez-le bien, la moindre secousse, le plus léger ébranlement cérébral, aurait des suites funestes. Il est vrai, dit hypocritement la comtesse, que sur le premier moment, en apprenant que ma bien-aimée Valentine était victime d'un lâche séducteur, je n'ai pas été maîtresse de ma colère. Et le premier moment est passé, madame. Vous êtes mère, vous êtes chrétienne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mon devoir à moi est de sauver votre fille et son enfant, et je les sauverai. Je reviendrai demain. » Madame de la Verberie ne pouvait laisser le docteur s'éloigner ainsi. Elle l'arrêta d'un geste, et sans réfléchir qu'elle se trahissait, qu'elle avouait, elle s'écria « Quoi, monsieur, prétendez-vous donc m'empêcher de faire tout au monde pour tenir secret l'affreux malheur qui me frappe? Faut-il que notre honte devienne publique? Voulez-vous nous condamner à être la fable et la risée du pays ?» Le docteur fut un moment sans répondre. Il réfléchissait. La situation était grave. « Non, madame, dit-il enfin, je ne saurais vous empêcher de quitter la Verberie. Ce serait outrepasser mes droits. Mais il est de mon devoir de vous demander compte de l'enfant. Vous êtes libre, mais il vous faudra me donner des preuves qu'il vit, ou que du moins rien n'a été tenté contre lui. » Il sortit sur ces mots menaçants, et il était vraiment temps. La comtesse suffoquait de rage et de contrainte. « L'insolence ! » cria-t-elle, « l'impertinent ! Osez faire la leçon à une femme de mon rang ! Ah, si je n'étais pas à sa merci !» Mais elle y était, et elle comprenait que cette fois, sans retour, il lui fallait donner congé à ses chimères. Plus de luttes à espérer désormais, plus de gendre millionnaire, plus de fortune pour sa vieillesse, plus de voitures, de robes magnifiques, de fêtes où l'on joue gros jeu. Elle mourrait ainsi qu'elle avait vécu, pauvre, besogneuse, condamnée à une médiocrité, d'autant plus écœurante qu'elle n'aurait plus, pour l'aider à la subir, les perspectives d'un avenir meilleur. Et c'était Valentine qui la réduisait à cette extrémité. À cette idée, elle sentait s'allumer en elle contre sa fille, une de ces haines qui ne pardonnent pas, que le temps avive au lieu de calmer. Elle souhaitait la voir morte, ainsi que cet enfant maudit. Mais le regard écrasant du docteur était trop présent à sa mémoire pour penser seulement à rien tenter. Même, se décidant à monter près de sa fille, elle se contraignit à sourire, à prononcer quelques paroles affectueuses, puis la laissa à la garde de la dévouée Mionne. Pauvre Valentine, elle avait été surhumainement atteinte, qui lui semblait sentir se tarir en elle les sources de la vie. Cependant, sa souffrance diminuait un peu. Aux grandes crises physiques ou morales, un engourdissement profond succède toujours, qui est presque exempt de douleur. Quand elle avait la force de réfléchir, elle se disait « C'est fini, ma mère sait tout, je n'ai plus rien à redouter de sa colère, je n'ai plus qu'espérer et attendre mon pardon. » C'était là ce secret que Valentine n'avait pas voulu révéler à Gaston, comprenant bien que, le sachant, jamais il n'aurait consenti à s'éloigner sans elle. Or, elle voulait qu'il se sauvât, et la voix du devoir, en même temps, lui criait de rester, et, à cette heure encore, elle ne se repentait pas d'être restée. Son plus cruel souci était le souvenir de Gaston. Avait-il ou non réussi à s'embarquer? Comment le savoir? Depuis 2 jours, le docteur lui permettait de se lever, mais elle ne pouvait songer à sortir, à courir jusqu'à la cabane du père Menoul. Par bonheur, le vieux patron fut intelligent, comme sait l'être le dévouement véritable. Apprenant que la demoiselle du château était bien malade, il ne songea plus qu'au moyen de la rassurer sur le sort du fugitif. Il trouva plusieurs prétextes pour venir à la verberie, et enfin réussit à voir Valentine. Il n'était pas seul, mais d'un regard, le bonhomme fit entendre que Gaston n'avait plus rien à redouter. Cette certitude fit plus pour la convalescence de Valentine que tous les remèdes. Et peu après, le docteur, qui venait tous les jours depuis 1 mois et demi, déclara que la malade était en état de supporter les fatigues du voyage. Ce moment, la comtesse l'attendait avec une indicible impatience. Déjà, pour que rien ne retardât le départ, elle avait vendu la moitié de ses rentes. Il se disait qu'avec 25 000 francs, qui en était le prix, elle pouvait parer à toutes les éventualités. Depuis 15 ans, elle allait répétant partout que, dès que sa fille irait mieux, elle partirait pour l'Angleterre, où la demandait un de ses parents, très vieux et encore plus riche. Ce voyage, Valentine ne l'envisageait qu'avec terreur, et elle frissonna quand, le soir de la déclaration du docteur, sa mère lui dit « Nous partirons après-demain !»« Après-demain ?» Et Valentine n'avait trouvé nul moyen encore de faire savoir à Louis de Clamerand que son frère n'était pas mort. En cette extrémité, elle n'hésita pas à se confier à Mionne et la chargea d'une lettre pour Louis. Mais la fidèle servante fit une course inutile. Le château de Clamerand était désert. Tous les domestiques avaient été congédiés et M. Louis, qu'on appelait maintenant le marquis, avait quitté le pays. Enfin, on partit. Madame de la Verberie, se croyant sûre de Mionne, se décidait à l'emmener, non sans lui avoir fait jurer sur l'évangile pendant la messe, au moment de l'élévation, un éternel secret. C'est dans un petit village au-dessus de Londres que la comtesse alla s'installer avec sa fille et sa domestique, sous le nom de Madame Wilson. Si elle avait choisi l'Angleterre, c'est qu'elle l'avait habité longtemps, qu'elle en connaissait bien l'esprit et les mœurs, et qu'elle en parlait la langue comme la sienne. Même, elle avait conservé des relations dans l'aristocratie, et souvent, le soir, elle sortait, dînait en ville ou allait au théâtre, prenant, en ces occasions, les précautions les plus humiliantes contre Valentine, qu'elle enfermait à double tour. C'est dans cette triste et solitaire maison qu'une nuit du mois de mai, Valentine de la Verberie mit au monde un fils. Il fut présenté au révérend de la paroisse et inscrit sous les noms de Valentin Raoul Wilson. La comtesse avait d'ailleurs tout prévu, tout combiné. Dans les environs du village, après bien des recherches, elle avait découvert une bonne grosse fermière qui, moyennant 500 livres, 12 000 francs, consentait à se charger de l'enfant, promettant de l'élever comme les siens, de lui faire apprendre un état et même de le pousser dans le monde s'il se conduisait bien. Le petit Raoul lui fut donc livré, quelques heures après sa naissance. Cette femme ignorait le vrai nom de la comtesse. Elle devait croire, et elle croyait, avoir affaire à une Anglaise. Il était donc plus que probable, il était certain, que jamais l'enfant, devenu homme, ne parviendrait à découvrir le secret de sa naissance. Revenue à elle, Valentine avait demandé son enfant. En elle tressaillait et s'éveillait ce sublime amour maternel dont Dieu a déposé le germe dans le cœur de toutes les femmes. C'est en cette circonstance que la cruelle comtesse fut vraiment impitoyable. « Votre enfant ! » cria-t-elle. « Je ne sais en vérité ce que vous voulez dire. Vous rêvez, j'imagine. Vous êtes folle !» Et comme Valentine insistait, « Votre enfant est en sûreté, » répondit-elle. « Et rien ne lui manquera. Que cela vous suffise. Ce qui est arrivé, vous devez l'oublier comme on oublie un mauvais rêve. Le passé doit être comme s'il n'était pas. Vous me connaissez, je le veux. » Le moment était venu où Valentine devait, dans de certaines limites, résister au despotisme de plus en plus envahissant de la comtesse. L'idée lui en était venue, mais non le courage. Si d'un côté la clairvoyance du malheur lui montrait les dangers d'une résignation presque coupable, car enfin elle était mère aussi, de l'autre, elle se sentait écrasée par le sentiment de l'horrible faute. Elle se tut, s'abandonnant ainsi pour toujours, se livrant désarmée aux volontés d'une mère, qu'elle s'efforçait de ne point juger, pour n'avoir pas à la condamner. Tant de souffrances, de regrets, de combats intérieurs devaient retarder, et retardèrent en effet son rétablissement. Cependant, vers la fin du mois de juin, elle était assez bien pour revenir, avec sa mère, à la verberie. La méchanceté, cette fois, n'avait pas eu sa lucidité accoutumée. La comtesse, qui allait partout, se plaignant de l'insuccès de son voyage, put constater que, dans le pays, personne n'avait pénétré les raisons de son absence. Un seul homme, le docteur Raget, savait la vérité. Mais Madame de la Verberie, tout en le haïssant de tout son cœur, rendait assez justice à son caractère pour être sûre de n'avoir pas redouté de lui une indiscrétion. C'est pour lui qu'en arrivant avait été sa première visite. Elle le surprit un matin comme il sortait de table, lui demanda un moment d'entretien et, brusquement mis sous ses yeux, les pièces officielles dont elle s'était munie à son intention. « Vous le voyez, monsieur, » dit-elle, « l'enfant est bien vivant, et moyennant une grosse somme, une bonne femme s'en est chargée. »« C'est bien, madame, » répondit-il après un examen attentif. « Et si votre conscience ne vous reproche rien, je n'ai pour ma part rien à vous dire. »« Ma conscience, monsieur, ne me reproche rien. » Le vieux médecin hocha la tête, et, arrêtant sur la comtesse un de ces regards qui font tressaillir la vérité au plus profond repli de l'âme, « Jureriez-vous, prononça-t-il, que vous n'avez pas été sévère jusqu'à la barbarie ?» Elle détourna les yeux et, prenant son plus grand air, répondit « J'ai agi comme le devait faire une femme de mon rang, et je suis surprise, je l'avoue, de trouver en vous un avocat de l'inconduite. Eh, madame, s'écria le docteur, c'est de vous que devrait venir l'indulgence. Quelle pitié voulez-vous qu'espère des étrangers votre malheureux enfant, si vous, sa mère, vous êtes impitoyable ?» La comtesse ne voulut pas en entendre davantage. Cette voix de la franchise offensait son orgueil, elle se leva. « C'est tout ce que vous avez à me dire, docteur ?» demanda-t-elle d'un ton hautain. « Tout, oui, madame. Et je n'ai jamais eu qu'une pensée, celle de vous épargner d'éternels remords. » Ici, le noble et bon docteur se trompait. Il ne pouvait s'imaginer qu'il rencontrait une exception. Madame de la Verberie était inaccessible aux remords. Mais cette âme, insensible à tout ce qui n'était pas jouissance ou satisfaction de la vanité, devait souffrir, et souffrait cruellement. Elle avait repris son train de vie ordinaire. Mais ayant perdu une partie de ses revenus, elle ne pouvait plus arriver à joindre les deux bouts. C'était là pour elle un texte inépuisable de récrimination, dont sans cesse à chaque repas, à propos de tout et de rien, elle sacrifiait sa fille. Car tout en ayant déclaré que le passé n'existait pas, elle y revenait continuellement, comme pour y puiser de nouveaux aliments à ses colères. « Votre faute nous a ruinés !» répétait-elle à tout propos. Si bien qu'un jour, Valentine, exaspérée, ne put s'empêcher de répondre. « Vous me pardonneriez donc si elle nous eût enrichis ?» Mais ces révoltes de Valentine étaient rares, bien que son existence ne fût plus qu'une longue suite de tortures, ménagée avec un art infini. La pensée même de Gaston, cet élu de son âme, était devenue une souffrance. Peut-être, découvrant l'inutilité de son courage et de son dévouement à ce qu'elle avait cru le devoir, se repentait-elle de ne l'avoir pas suivi. Qu'était-il devenu ? Comment n'avait-il pas imaginé un expédient pour lui faire tenir une lettre, un souvenir, un mot ? Peut-être était-il mort ? Peut-être l'avait-il oublié ? Il avait juré qu'avant 3 ans, il reviendrait riche. Reviendrait-il jamais ? Et même, lui était-il possible de revenir ? Sa disparition n'avait pas éteint l'horrible affaire de Tarascon. On le supposait noyé, mais comme on n'avait de sa mort aucune preuve positive, force avait été à la justice de donner satisfaction à l'opinion publique soulevée. L'affaire avait été en cour d'assises, et Gaston de Clameran avait été condamné par contumace à plusieurs années de prison. Quant à Louis de Clameran, on ne savait au juste ce qu'il était devenu. D'aucuns prétendaient qu'il habitait Paris, où il menait joyeuse vie. Informé de cette dernière circonstance par sa fidèle Mionne, Valentine se prenait à désespérer. Vainement, elle interrogeait le morne avenir. Pas une lueur n'éclairait le sombre horizon de sa vie. En elle, tous les ressorts de l'âme et de la volonté étaient brisés. Et à la longue, elle en était venue à cette résignation passive des êtres sans cesse maltraités, à cette insouciance, à cette abnégation de soi qui trahit ce sacrifice raisonné de la vie. Et le temps passait, et 4 ans s'étaient écoulés depuis cette soirée fatale où Gaston, dans la barque du père Menoul, s'était abandonné au courant du Rhône. Ces 4 années, Madame de la Verberie les avait employés on ne peut plus mal. Voyant que décidément, elle ne pouvait vivre de ses revenus, trop niaisement fière pour vendre des terres qui, mal administrées, ne rendaient pas deux du cent, elle s'était résignée à emprunter et à manger le capital avec les revenus. Or, comme dans cette voie, il n'y a que le premier pas qui coûte, la comtesse avait marché rapidement. Se disant « Après moi le déluge !» ni plus ni moins que feu monsieur le marquis de Clamerand, la comtesse ne songeait plus qu'à se donner ses aises. Elle reçut beaucoup, se permit de fréquents voyages dans les villes voisines, à Nîmes, à Avignon. Elle fit venir de Paris des toilettes superbes et donna carrière à son goût pour la bonne chère. Tout ce qu'elle avait si longtemps attendu de la magnificence d'un gendre amoureux, elle se l'accorda. Ils font des consolations aux grandes douleurs. Dès la première année de son retour de Londres, elle n'avait pas hésité à se passer la fantaisie d'un cheval de réforme, qui n'avait pas du tout mauvais air, ma foi. Quand on l'attelait à une calèche encore fort présentable, achetée à crédit et d'occasion à Beaucaire. Pour s'excuser vis-à-vis d'elle-même, quand des inquiétudes lui venaient, elle se disait « Je suis si malheureuse !» Le malheur est que ce semblant de lutte se coûtait cher, très cher. Après avoir vendu le reste de ses rentes, la comtesse emprunta sur le domaine de la Verberie d'abord, puis sur le château lui-même. Et en moins de 4 ans, elle en était arrivée à devoir plus de 40 000 francs et à ne plus pouvoir payer les intérêts de sa dette. Elle commençait à ne plus trop savoir où donner de la tête. Le fantôme de l'expropriation se tenait la nuit au pied de son lit, quand le hasard daigna venir à son secours. Depuis un mois environ, un jeune ingénieur, chargé d'études de rectification sur le Rhône, avait fait du village qui touche la Verberie son centre d'opération. Comme il était jeune, spirituel, fort bien de sa personne, il avait été d'emblée accepté par la société des environs. Et souvent la comtesse le rencontrait dans les maisons où elle allait le soir faire sa partie. Ce jeune ingénieur se nommait André Fauvel. Ayant remarqué Valentine, il l'étudiait attentivement. Et peu à peu, il s'est pris de cette jeune fille au maintien réservé, aux grands yeux tristes et doux, qui, dans cette galerie d'ancêtres, resplendissait comme un rosier en fleurs au milieu d'un paysage d'hiver. Il ne lui avait pas encore adressé la parole que déjà, il l'aimait. Il était relativement riche. Une carrière magnifique s'ouvrait devant lui. Il se sentait l'initiative qui fallait millionnaire. Il était libre. Il se jura que Valentine serait sa femme. C'est une vieille amie de Madame de la Verberie, noble, autant qu'une Montmorency, et pauvre, plus que Job, qui confia tout d'abord ses intentions matrimoniales. Avec la précision d'un ancien élève de l'école polytechnique, il avait énuméré tous les avantages qui faisaient de lui un gendre phénix. Longtemps, la vieille dame l'écouta, sans l'interrompre. Mais lorsqu'il eut fini, elle ne lui cacha pas combien ses prétentions lui semblaient outrecuidantes. « Quoi, lui, un garçon qui n'était pas né, un Fauvel, géomètre ou arpenteur de son état, il se permettait d'aspirer à la main d'une La Verberie ?» Avec une véhémence particulière, elle insista sur ses considérations d'un ordre supérieur. Heureusement, ce chapitre épuisé, elle en vint au positif. « Cependant, ajoutait-elle, il se peut que vous ne soyez pas éconduit. La situation de la comtesse est des plus embarrassées. Elle doit à Dieu et à ses saints, la chère dame. Les huissiers la visitent souvent, de sorte que, vous comprenez, si un jeune homme se présentait, animé d'intentions honnêtes et ayant du bien, et je ne sais ce qui arriverait. » André Fauvel était jeune. Les insinuations de la vieille dame lui semblèrent monstrueuses. À la réflexion, cependant, lorsqu'il eut consulté, lorsqu'il se fut surtout donné la peine d'étudier l'esprit de la noblesse des environs, riche exclusivement de préjugés, il comprit que des considérations pécuniaires seraient seules assez fortes pour décider haute et puissante dame de la Verberie à lui accorder la main de sa fille. Cette certitude dissipant ses hésitations, il ne songea plus qu'à se ménager un moyen d'opposer adroitement sa candidature. Ce n'est pas que la chose lui parut aisée. S'en aller chercher femme, son argent à la main, répugnait fort à sa délicatesse et renversait toutes ses idées. Mais il ne connaissait dans le pays personne à qui se fier, et son amour était assez grand pour le faire passer, les yeux fermés, sous toutes les répugnances. L'occasion qu'il attendait de s'expliquer, sinon catégoriquement, au moins d'une façon claire et transparente, se présenta d'elle-même. Comme il entrait un soir dans un hôtel de Beaucaire pour dîner, il aperçut Madame de la Verberie, qui allait se mettre à table. Tout en rougissant jusqu'aux oreilles, il lui demanda la permission de s'asseoir près d'elle, permission qui lui fut accordée, avec un sourire des plus encourageants. La comtesse soupçonnait-elle l'amour du jeune ingénieur? Avait-elle été prévenue par son ami? Il est permis d'en douter. Toujours est-il que, sans laisser à André la peine d'arriver, de transition en transition, jusqu'au sujet qui lui tenait si fort au cœur, elle commença dès le potage à se plaindre de la dureté des temps, de la rareté de l'argent, et de l'insolence et de l'âpreté aux gains des gens d'affaires. La vérité est qu'elle était venue à Beaucaire pour un emprunt, qu'elle avait trouvé toutes les caisses cadenassées, et que son notaire lui conseignait une vente amiable de ses terres. La colère, ce secret instinct des situations qui est le sixième sens des femmes de tout âge, lui déliant la langue, elle fut, avec ce jeune homme presque inconnu, plus expansive qu'avec les gens de sa société la plus intime. Elle dit l'horreur de sa situation, sa gêne, les inquiétudes de l'avenir, et par-dessus tout, la douleur qu'il éprouvait de ne savoir comment marier sa chère fille. Lui écoutait ses doléances infinies avec une figure de circonstance, mais intérieurement il était ravi. Aussi, sans laisser finir la vieille dame, se mit-il à exposer ce qu'il appela sa façon d'envisager la position. Après avoir plaint considérablement la comtesse, il avoua qu'il ne s'expliquait aucunement ses inquiétudes. Quoi ? Elle était tourmentée de l'idée de n'avoir pas de dot à donner à sa fille ? Mais mademoiselle Valentine était de celles dont la noblesse et la beauté sont un apport des plus enviables. Il connaissait pour sa part plus d'un homme qui s'estimerait trop heureux que Valentine voulût bien accepter son nom et qui se ferait un devoir, bien doux, d'enlever à sa mère tout sujet de souci. En définitive, la situation de la comtesse ne lui semblait pas si mauvaise qu'elle voulait bien dire. Que faudrait-il pour la libérer, pour dégréver absolument le domaine de la verberie ? Une quarantaine de mille francs, peut-être ? En vérité, ce ne serait pas une somme. D'ailleurs, ce ne serait pas un cadeau que ferait là ce gendre, mais une avance. Est-ce que le domaine et le château de la verberie ne lui reviendraient pas, tôt ou tard, augmentés par la constante plus-value des terres ? Et ce n'est pas tout. Jamais un homme aimant Valentine ne laisserait la mère de sa femme privée du bien-être dû à son âge, à sa noblesse et à ses malheurs. Il s'empresserait donc d'ajouter à des revenus insuffisants de quoi se procurer non seulement le nécessaire, mais encore le superflu. À mesure que parlait André, avec une conviction trop accentuée pour être feinte, il semblait à la comtesse qu'une rosée céleste tombait sur toutes ses plaies d'argent. Elle s'épanouissait. Son petit œil fauve avait des regards plus doux que velours. Un provoquant et amical sourire voltigeait sur ses lèvres minces, plus pincées d'ordinaire que les bords d'une cassette d'avare. Un seul point inquiétait le jeune ingénieur. M'entend-elle ? Se demandait-il. Me prend-elle au sérieux ? Certes, oui. Elle perçait la transparence des allusions, et ses réflexions le prouvèrent. Hélas, fit-elle non sans un soupir, ce n'est pas avec 40 000 francs qu'on sauverait la verberie. Intérêts et frais compris, il en faudrait bien 60 000. Oh, 40 ou 60, ce n'est pas une affaire. Puis mon gendre, cet homme rare dans nos suppositions, comprendrait-il la nécessité de mon existence ? Il se ferait, j'imagine, un bonheur d'ajouter tous les ans 4 000 francs aux revenus de votre domaine. La comtesse ne répondit pas immédiatement. Elle calculait. 4 000 francs, dit-elle enfin. Ce ne serait guère. Tout est hors de prix en ce pays. Mais avec 6 000 livres. Oh, avec 6 000 livres. L'exigence parut bien un peu forte au jeune ingénieur. Pourtant, avec l'insouciante générosité d'un amoureux, il répondit. Le gendre dont nous parlons aimerait peu mademoiselle Valentine, si une misérable question de 2 000 francs l'arrêtait. « Vous m'en direz tant !» murmura la comtesse. Mais une soudaine objection lui venait à l'esprit. « Encore faudrait-il, remarqua-t-elle, que ce gendre honnête, que nous supposons, eût assez de biens pour remplir ses engagements. Je tiens trop au bonheur de ma fille pour la donner à un homme qui ne me ferait pas... Comment dit-on cela ? Une caution ? Des garanties ?» Décidément, pensait Fauvel, un peu honteux, « c'est un marché que nous débattons. » Et tout haut, il poursuivit. « Il est clair que votre gendre s'engagerait par le contrat de mariage. » « Jamais, monsieur, jamais. Il est bien séance. Que dirait-on de moi ?»« Permettez. Il serait spécifié que votre pension serait l'intérêt d'une somme qu'il reconnaîtrait avoir reçue. »« Comme cela, oui, en effet. » À toute force ce soir-là, madame de la Verberie voulut ramener André dans sa calèche. Pas un mot direct ne fut échangé entre eux le long du chemin. Mais ils s'étaient compris. Ils s'étaient fixés l'un sur l'autre. Ils s'entendaient si bien qu'en déposant à sa porte le jeune ingénieur, la comtesse lui tendit sa maigre main, qu'il baisa dévotement, en songeant aux jolis yeux de Valentine, et l'invita à dîner pour le lendemain. Certes, il y avait des années que madame de la Verberie n'avait été si joyeuse, et ses servantes admirèrent sa belle humeur. C'est que tout à coup, brusquement, d'une situation désespérée, elle passait à une position presque brillante. Et elle, qui affichait de si fiers sentiments, elle n'apercevait ni les hontes de cette transaction, ni l'infamie de sa conduite. 6 000 francs de pension, se disait-elle. Ce jeune géomètre est un honnête homme. Et 1 000 écus du domaine, c'est en tout 9 000 livres de rente. Ce garçon habitera Paris avec ma fille, je les irai voir, ses chers enfants, sans trop de frais. Jour de Dieu, à ce prix, elle eût donné non une fille, mais 3, si elle les eût eues. Mais voilà que tout à coup, une idée lui vint qui la glaça. Valentine consentira-t-elle ? Si poignante fut son anxiété que, pour en avoir le cœur net, à l'instant, elle monta dans la chambre de sa fille, qu'elle trouva lisant à la lueur d'une mince chandelle. « Ma fille, lui dit-elle brusquement, un jeune homme qui me convient m'a demandé ta main, et je la lui ai accordée. » À cette déclaration inattendue, stupéfiante, Valentine se dressa. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Pourquoi, s'il te plaît ? Avez-vous donc dit qui je suis, ma mère ? Avez-vous avoué ? Les folies passées, Dieu m'en préserve, et tu seras, je l'espère, assez raisonnable pour imiter mon silence. » Si annihilée que fut la volonté de Valentine par l'écrasant despotisme de sa mère, son honnêteté se révolta. « Vous voulez m'éprouver, ma mère ? S'écria-t-elle. Épouser un homme, sans lui tout avouer, serait la plus hache et la plus infâme des trahisons. » La comtesse avait une terrible envie de se fâcher, mais elle comprit que cette fois ses menaces se briseraient contre une résistance encouragée par la conscience. Au lieu d'ordonner, elle pria. « Pauvre enfant, disait-elle, pauvre chère Valentine, si tu connaissais l'horreur de notre situation, tu ne parlerais pas ainsi. Ta folie a commencé notre ruine, elle est aujourd'hui consommée. Sais-tu où nous en sommes ? Nos créanciers me menacent de me chasser de la verberie. Que deviendrons-nous après, ô ma fille ? Faudra-t-il qu'à mon âge, j'aille, de porte en porte, tendre la main ? Nous sommes perdus, et ce mariage est le salut. » Et après les prières, les raisonnements venaient. Elle avait à son service, cette chère comtesse, des théories subtiles et étranges. Ce qu'autrefois elle appelait un crime monstrueux n'était plus qu'une peccadille. À l'entendre, la situation de Valentine se présentait tous les jours. Elle eût compris, disait-elle, les scrupules de sa fille, si on ne put craindre quelques révélations du passé. Mais de telles précautions avaient été prises qu'il n'y avait rien à redouter. En aimerait-elle moins son mari ? Non. En serait-il moins heureux ? Non. Dès lors, pourquoi hésiter ? Étourdie, frappée de vertige, Valentine se demandait si c'était bien sa mère, cette femme si hautaine, si intraitable jadis, dès qu'il était question d'honneur ou du devoir, qui s'exprimait ainsi, démentant en une fois les paroles de sa vie entière. Hélas, oui, c'était elle. C'est que Valentine ignorait à quelle capitulation flétrissante peut se résoudre une conscience qui aveugle l'égoïsme et l'intérêt. Elle ne savait pas quelle fourche caudine prépare la misère à ceux qui n'ont pas le courage de la supporter dignement. Les subtils arguments, les sophismes honteux de la comtesse ne devaient ni la toucher, ni l'ébranler. Mais elle ne se sentait ni la force ni le courage de résister aux larmes de cette mère, qui, voyant qu'elle n'obtenait rien, se traînait à ses genoux, l'adjurant à main jointe de la sauver. Plus émue qu'elle ne l'avait jamais été, déchirée par mille sentiments contraires, n'osant ni refuser ni promettre, redoutant les conséquences d'une décision ainsi arrachée, l'infortunée supplia sa mère de lui laisser au moins quelques heures de répit. Ces instants de réflexion, Madame de la Verberie n'osa plus les refuser. Le coup frappé, elle se dit qu'insister serait imprudent. « Vous le voulez, dit-elle à sa fille, je me retire. Mieux que votre esprit, votre cœur vous dira comment choisir entre un aveu inutile et le salut de votre mère. » Et sur ces mots, elle sortit, indignée, mais pleine d'espoir. Elle n'avait que trop de motifs d'espérer. Placée entre deux obligations également impérieuses, également sacrées, mais absolument opposées, la raison troublée de Valentine ne discernait plus clairement où était le devoir. Réduirait-elle sa mère à la plus affreuse des misères ? Abuserait-elle indignement la confiance et l'amour d'un honnête homme ? Quelle que fût sa décision, il en résultait, pour elle, une vie affreuse et d'épouvantables remords. Ah, que n'avait-elle, près d'elle, un de ses conseillers bienveillants et sûrs, dont l'austère parole raffermit les résolutions chancelantes ? Que n'avait-elle cet ami discret et doux qui l'avait soutenu lors de ses premiers malheurs, que les docteurs rageaient ? Autrefois, le souvenir de Gaston de Clermont eut parlé haut et dicté sa conduite. Mais ce souvenir lointain n'était plus qu'un vague murmure. Dans les romans, il est vrai, on trouve de ces héroïnes dont la vertu n'a rien d'égal que la constance. La vie réelle n'a guère de ces miracles. Longtemps, dans la pensée de Valentine, Gaston était resté éblouissant et radieux comme les héros des rêves. Mais les brumes du temps, peu à peu, avaient obscurci les rayons de l'idole. Et il n'était plus, maintenant, au fond de son cœur, qu'une froide relique. Cependant, lorsqu'elle se leva le matin, pâle et souffrante des angoisses d'une longue nuit sans sommeil, elle était presque résolue à parler. Mais quand vint le soir, quand elle se trouva près d'André Fauvel, sous l'œil tour à tour menaçant et suppliant de sa mère, le courage lui manqua. Elle se disait encore « Je parlerai !» Mais elle se disait « Ce sera demain, un autre jour, plus tard !» Aucune de ses luttes n'échappait à la comtesse. Mais elle n'était plus guère inquiète. La vieille dame le savait peut-être par expérience. Quand on remet à accomplir une action difficile et pénible, on est perdu, on ne l'accomplit jamais. Peut-être Valentine avait-elle une excuse dans l'horreur de sa situation. Peut-être à son insu, un espoir irraisonné s'agitait-il en elle. Un mariage, même malheureux, lui offrait les perspectives d'un changement, d'une vie nouvelle, d'un allègement à d'insupportables souffrances. Parfois, dans son ignorance de toute chose, elle se disait qu'avec le temps, avec une intimité plus grande, l'horrible affreux viendrait presque naturellement, et qu'André pardonnerait, et qu'il l'épouserait quand même puisqu'il l'aimait. Car il l'aimait vraiment, elle ne pouvait pas ne pas s'en apercevoir. Certes, ce n'était plus la passion impétueuse de Gaston, avec ses terreurs, ses emportements, ses ivresses, mais c'était un amour calme, réfléchi, plus profond peut-être, puisant une sorte de recueillement dans le sentiment de sa légitimité et de sa durée. Et Valentine, doucement, s'accoutumait à la présence d'André, toute surprise de ce bonheur inconnu, de ses attentions délicates de tous les instants, de ses prévenances qui allaient au-devant de ses pensées. Elle n'aimait pas encore André, mais une séparation lui était douloureuse, cruelle. Pendant ce temps où le jeune ingénieur avait été admis à faire sa cour, la conduite de la vieille comtesse avait été un chef-d'œuvre. Calculant fort juste, elle avait tout à coup renoncé aux obsessions, ne discutant plus, affirmant avec une résignation larmoyante qu'elle ne voulait pas influencer les résolutions de sa fille. Mais elle criait misère, mais elle geignait comme si elle eût été à la veille de manquer de pain. Mais elle avait pris ses mesures pour être harcelée par les huissiers. Saisie, la signification pleuvait à la verberie, et tous ses papiers timbrés, elle les montra à Valentine en disant « Dieu veut que nous ne soyons pas chassés de la maison de nos pères avant ton mariage, ma bien-aimée. » D'ailleurs, se sentant assez d'influence pour glacer une révélation sur les lèvres de sa fille, jamais elle ne la laissa seule une minute avec André. Une fois mariée, pensa-t-elle, ils s'arrangeront. Puis, tout autant que l'impatient André, elle pressait les préparatifs de la noce. Elle ne laissait à Valentine ni le temps de se reconnaître, ni un moment pour réfléchir. Elle l'occupait, l'envahissait, l'étourdissait de mille et mille détails. C'était une robe à acheter, quelque objet du trousseau à changer, une visite à faire, une pièce à se procurer. Si bien qu'elle gagnait ainsi la veille du grand jour, haletante d'espoir, oppressée d'anxiété, comme le joueur au moment décisif d'une grosse partie. Ce soir-là, pour la première fois, Valentine se trouva seule avec cet homme qui allait être son mari. La nuit tombait, elle s'était réfugiée dans le salon, tourmentée d'angoisse plus poignante que d'ordinaire. Il entra. La voyant en larmes, affreusement troublée, doucement, il lui prit la main. Il lui demanda ce qu'elle avait. « Ne suis-je pas votre meilleure amie ? » disait-il. « Ne dois-je pas être le confident de vos chagrins, si vous en avez ? Pourquoi ces larmes, mon amie ?» En ce moment, elle faillit tout avouer. Mais tout à coup, elle entrevit le scandale, la douleur d'André, les colères de sa mère. Elle vit son existence perdue. Elle se dit qu'il était trop tard. Et avec une explosion de sanglots, elle s'écria, comme toutes les jeunes filles quand le dernier moment est proche, « J'ai peur !» Lui, aussitôt, s'expliquant ce trouble, ses craintes vagues, l'horreur de l'inconnu, les révoltes de la pudeur, s'efforça de la consoler, de la rassurer, tout surpris de voir que ses bonnes paroles, loin de la calmer, semblaient redoubler sa douleur. Mais déjà, Madame de la Verberie accourait. On allait signer le contrat. André Fauvel ne devait rien savoir. Enfin, le lendemain, par un beau jour de printemps, eut lieu à l'église du village le mariage d'André Fauvel et de Valentine de la Verberie. Dès le matin, le château était rempli des amis de la jeune mariée qui venait, suivant l'usage, présider aux derniers apprêts de sa toilette. Elle s'efforçait de rester calme, souriante même. Cependant, elle était plus pâle que son voile. D'affreux remords la déchiraient. Il lui semblait qu'on devait lire la vérité sur son visage, et que cette blanche toilette n'était qu'une amère ironie, une suprême humiliation. Elle frémit quand sa meilleure amie s'approcha pour placer sur sa tête la couronne de fleurs d'oranger. Il lui paraissait que cette couronne allait la brûler. Elle ne la brûla pas, mais une des tiges de fil de fer mal recouverte lui fit au front une légère écorchure, qui saigna beaucoup, et même une goutte de sang tomba sur sa robe. Quel présage ! Valentine faillit se trouver mal. Mais les présages sont menteurs. Et la preuve, c'est qu'un an après son mariage, Valentine était, assurait-on, la plus heureuse des femmes. Heureuse, oui, elle lui était complètement si elle l'eût pu oublier. André l'adorait. Il s'était lancé dans les affaires et tout lui réussissait. Mais il voulait être très riche, immensément riche, non pour lui, mais pour la femme aimée qu'il voulait entourer de toutes les jouissances du luth. La trouvant la plus belle, il la souhaitait la plus parée. 18 mois après son mariage, Madame Fauvel avait eu un fils. Hélas, ni cet enfant, ni un second venu un an après, ne purent lui faire oublier l'autre, le délaissé, celui que, pour une somme d'argent, une étrangère avait pris. Aimant passionnément ses fils, les élevant comme des fils de prince, elle se disait « Qui sait si l'abandonner a seulement du pain ?» Si elle eût su où il était, si elle eût osé, mais elle n'osait pas. Parfois même, elle avait été inquiète du dépôt laissé par Gaston, de ses parures de la marquise de Clameron, qu'elle craignait de ne jamais assez bien cacher. Parfois, elle se disait « Allons, le malheur m'a oublié !» Pauvre femme, le malheur est un visiteur qui parfois se fait attendre, mais qui toujours vient. Fin du chapitre 14.